encore ma foi n'est pas comme eux. Mais qu'est-ce que j'ai fait étant gamin? Pourquoi la tendresse me vesquit? Pourquoi c'est la haine qui me tend la main? Monsieur m'a dit un de tes amis va cracher sur toi comme un lama. Maman, maman, maman, maman, maman, maman, Laura. Pourquoi cette petite fait la tepue? Peut-être que son frère est sur ma tête. Et pourquoi l'autre fois tu t'es chassé? T'avais vraiment cru que j'allais te planter. Cagou, cagou les gantés. J'suis genre de mec à pas fréquenter. Combien de CPD j'ai fait rentrer? Ils ont même pas de quoi se la raconter. Concert en Guadeloupe, j'me jette dans la foule. Hôtel Sofitel, je nique, je dessoule. Combien de frères perdus parlent avec des genoux? Même dans le fond du Bronx, j'marche avec des sous. Je suis tel un lion, j'domine dans la faute. La loi du talion, les faux dans la fosse. Une rafale dans la tête, faut que ton marabout gros. Et j'veux qu'elle prie pour moi. Mama Lova. Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova. Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova. Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova. Pourquoi ils veulent savoir mes revenus? Ont-ils prévu de venir m'attacher? Le corps de leur chef sera en menu. Et nous livrons qu'en pièces détachées. Vous pressez, empressez la gâchette. J'ai besoin d'argent, j'suis pas fâché. J'suis à Évry comme à Gorée. Nerveux comme un mec fauché. L'école, j'ai ouvert mon cahier. Pour être ce que je suis, j'ai dû apprendre à mailler. Devant l'ennemi, j'ai boxé, j'ai racaillé. Devant la police, j'ai dû apprendre à tailler. Je vais te nettoyer, je n'ai pas le temps de jouer, je dois payer le loyer. Je te dis simple, tu sais ce que j'ai côtoyé, je n'aurai pas de peine à te voir venir noyer. Je vais au charbon, faut que je me fasse la boule. Deux ados dans un bat, égal film de boule. 6h du matin, on sait qui déboule. Rafale dans la tête, faut que tout marabout. Je suis tel un lion, je domine dans la faune. La loi du talion, les faux dans la fosse. Une rafale dans la tête, faut que ton marabout gros. Et je veux qu'elle prie pour moi. Mama Lova. Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova. Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova, Mama Lova.